puissante qu'au fléau. J'ai un bitume, faut pas tomber, SVB, laissez-moi rapper, c'est mon métier. J'ai vu de rap et d'eau fraîche, je n'étais pas la mèche qui brûle en moi, me plante comme une flèche. Y'a nouveau MC, on the MIC, I become B.I.G. Sur le beat, je rime comme un poète, t'es là comme un clown, et discute comme un prophète. Ma rime est perfecte, tu ne veux pas object, mon style te traître et ta peur, je la détecte. C'est un pour que je t'en garde, one time, for your mind. Si tu voulais me test, that's right, ça arrive trop tard. Yeah, ouais. Félix, tu dis qu'on parle trop, que t'es marteau. Tu dis qu'on parle trop, je prends tes barjoux. Tu dis qu'on parle trop, les mecs des natos. Tu dis qu'on parle trop, Félix, c'est psychophéo. Tu dis qu'on parle trop, que t'es marteau. Tu dis qu'on parle trop, je prends tes barjoux. Tu dis qu'on parle trop, les mecs des natos. Tu dis qu'on parle trop, Félix, c'est psychophéo. Si quoi arrive, donne compte, t'as bon état. Le show me passe la joue, passera sur ce mec, elle va mandater quoi. Le voici, voilà, encore, encore, encore. Fin ton corps de corps, ta force de pensée. J'ai galéré le projet télé, ma queue va toute tracée. J'ai vite l'épée dans ma tête. On a mal zéra, des fois la flemme est là. J'avais le verre, elle m'a rassuré. Tico stop, pour ne plus être trompé. Donc ma queue aussi d'accord sur si, voici ceci. Lingo mélo, mais toujours au niveau. Fléau, exécute tout mon flow. Sur ce show, t'as ta trou négro, stylo, stylo. Bosse merdeuse, les claques ben négro. Parcours ténor, encore un pané fort de devenir plus fort. Sur ce beat, te fous des coups. What's up, big sous, what's up, ce coup. T'as ta coup, ma queue t'as chelou. Mon mouvement, mon tour. Mon univers il bouge, ma baisse pas, je vous dégoûte. Mal sans tabou, deviens fou, devant les pieds. Jack, sans relâcher à la stétasse. Le temps à peine, rampage, black up. Bien robage, place au flash. Car au mot, c'est qu'on fléau amorce à bon. Mais bombe le torse pour une partielle de force. C'est vrai quoi, oh. Va venir faire chier ici là. Putain. Tu dis qu'on parle trop, que t'es marteau. Tu dis qu'on parle trop, je prends tes barjoux. Tu dis qu'on parle trop, les mecs des natos. Tu dis qu'on parle trop, Félix, c'est psychophéo. Tu dis qu'on parle trop, que t'es marteau. Tu dis qu'on parle trop, je prends tes barjoux. Tu dis qu'on parle trop, les mecs des natos. Tu dis qu'on parle trop, Félix, c'est psychophéo. Félix, grippe le mic, kick au mic, nick, chic, PCBG. Sur tout terrain, comme ton monde and bike. Mec, tu kiffes colosse comme slash, bless. Pour ta 7, laisse carré. 33 coups, 12ème. Forteresse, nous comme Altesse, hip-hop jusqu'aux ongles. Avec mon jongle, en plus de ça, on reste strong. Bite bien armé, Marocco, ton carmé, foncé comme spliff. Une fois de plus, mec, viens te désarmer. Sans deck, deck de ouf, c'est que t'es ouf. On saute notre voix, bouge, mec, on fait vibrer ta touffe. Touche au mic, ce beat blindé. Pousse pour 9-9, y'a quoi de neuf. Et refresse, quand go, bouge leur self sans bluff. Meilleur, pic en main pour ton kiff. J'ai un 16 entier, bête sur l'instru comme Tyson. Mec, change de dentier. Au mic, j'vaux 4M6, j'fous le feu. F-E-L-X comme Ron Aaron, mec. Tu dis qu'on parle trop, que t'es marteau. Tu dis qu'on parle trop, je prends tes barjoux. Tu dis qu'on parle trop, les mecs des natos. Tu dis qu'on parle trop, Félix, c'est psychophéo. Tu dis qu'on parle trop, que t'es marteau. Tu dis qu'on parle trop, je prends tes barjoux. Tu dis qu'on parle trop, les mecs des natos. Tu dis qu'on parle trop, Félix, c'est psychophéo. Tu dis qu'on parle trop, que t'es marteau. Tu dis qu'on parle trop, je prends tes barjoux. Tu dis qu'on parle trop, les mecs des natos. Tu dis qu'on parle trop, Félix, c'est psychophéo. Tu dis qu'on parle trop, que t'es marteau. Tu dis qu'on parle trop, je prends tes barjoux. Tu dis qu'on parle trop, les mecs des natos. Tu dis qu'on parle trop, Félix, c'est psychophéo. Yeah, ouais, Coots, psychophéo, Félix, ouais. Compagnie de fer, X, pour les intimes, ouais. Délissouille, Coots, ouais. LDN, Wallaron, ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais,